C'est le commentaire hebdomadaire de notre ami Phil Léguin. Salut Phil. Bonjour Danny. Le bilan de mi-saison du Canadien. Le Canadien qui se bat actuellement pour une place en séries éliminatoires. Est-ce que tu es content dans l'ensemble de ce que tu vois du Canadien? C'était des hauts et des bas. Il y a eu des hauts, ça a commencé très fort. Il y a eu des bas par la suite, ça a mené au congédiement de Claude Julien. Mais par la suite, ça s'est replacé coup-ci, coup-ça. Mais c'est loin d'être gagné une place en série pour le Canadien. Mais le Canadien, en réalité, là, quand tu regardes la première moitié de saison, Danny, ça se résume à un mot, prolongation. Ouais. Seulement que 50% des matchs qu'ils ont perdu en prolongation donnent 4 points de plus, ils battent le premier rang. Sont à une fraction de seconde près d'être parmi les meilleurs, puis à une fraction près d'être parmi les gars qui vont, les clubs qui vont se battre pour une place en série. C'est tellement serré entre les clubs quand tu regardes ça. Là, oui. Le Canadien est à 5-6 points du premier rang, avec un ou deux matchs en main. Puis quand tu regardes, les clubs qui les suivent également sont tout près du Canadien à un ou deux points. Donc, c'est une question de prolongation. Le Canadien aurait joué 500 en prolongation. Là, il joue 0. C'est compliqué, il n'a pas gagné aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Puis le Canadien, l'avantage, ils ont quand même le Vancouver. Ils sont à 2 points dans le coin, mais le Canadien a 4 matchs en main. Exact. Et t'as un match en main sur Calgary. Pas tellement loin. Oui, Winnipeg avec un match en main également. Donc, c'est très, très serré, là. T'sais, Edmonton, t'as 40 points au deuxième rang. Puis, je veux dire comme toi, Edmonton, ils ont 4 matchs de jouer plus que les Canadiens, là. Donne-le 50% seulement en prolongation. T'as 36. Il se retrouverait à batailler le premier rang. Donc, Moi, je me dis que c'est une demi-saison intéressante pour le Canadien. On se rend compte, par exemple, que plus la saison avance, et là, je vois pas des jeunes. Tu sais, c'est difficile pour les jeunes. En début d'année, les jeunes joueurs, les joueurs de centre, les Canadiens allaient très bien. Kotkaniemi, les autres allaient très bien. Mais là, plus ça se corse, plus c'est difficile. Plus pour eux également, c'est plus difficile et c'est normal. Mais moi, ce qui me rassure pour le Canadien, Price n'a pas connu une première moitié de saison extraordinaire. Mais il va bien là, depuis que Charmant. Il était à 950 pourcentage d'arrêt, Phil. Là, il va très bien. Weber a connu une demi-saison ordinaire. C'est pour être le général à la ligne bleue, puis il faut qu'il se retrouve. Moi, je pense que le Canadien a un problème actuellement, c'est la troisième paire de défense. Il faut trouver une solution. Marc Bergevin doit trouver une solution pour stabiliser sa troisième. Ouellet, Mété, Kulak. Tu sais, ça fait le travail, mais pas de façon impeccable. Donc, à partir de ce moment-là, si le Canadien pourrait réussir, sans donner une fortune, se trouver un autre défenseur aguerri pour y aller. Et là, en plus, ils ont perdu quand même un défenseur important. C'est ça la clé, là. C'est qu'en fait, c'est Ben Chariot. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là. Parce que moi, je me dis, que quand je regarde un petit peu l'attaque, Drouin joue très bien en attaque. Là, dans les dernières, Dano commence à vouloir se retrouver également. Les nouveaux venus font le travail qu'on s'attendait et même mieux. Donc, moi, personnellement, je me dis que le Canadien n'est pas en mauvaise situation au moment où on se parle. Ils sont dans la bonne place. Il faut avoir être plus opportuniste au niveau de la prolongation. Parce que si ça continue comme ça, ça va leur faire mal à la fin de l'année et ça va les rattraper. Mais moi, je pense que dans l'ensemble, l'arrivée également d'un nouvel entraîneur changeait un peu la philosophie du Canadien. Le Canadien est plus agressif en attaque. Ils vont plus d'un coin de patinoire, ils font de la contre-attaque plus rapide. Donc, à ce moment-là, moi, je trouve ça intéressant. Et deux, l'alternance des gardiens de but du début d'année, moi, je pense que ça fait de mal à Price. Oui, il a mieux gardé, puis on l'a plus vu, puis ça a un lien, d'après moi. Exactement. Là, le Canadien revient au Centre Bell. Une série de 2-3 victoires, puis il se trouve dans la bataille pour le premier rang. 2-3 défaites, ben là, ils vont se battre pour faire les séries. Mais moi, personnellement, puis deux, là, il n'y aura pas de transaction majeure dans n'importe quel club pour une raison. On a tous, dans 90% des clubs, un problème avec le plafond salarial. La fameuse quarantaine aussi, là. Ah oui, la fameuse quarantaine, plus un autre point, mais je regarde. On met des joueurs au balotage qui pourraient intéresser des clubs à cause du plafond salarial. Il n'y a pas beaucoup de monde intéressé. Les gars au balotage sont repêchés, sais-tu quoi? Les gars qui gagnent le salaire minimum, 800 000 par année. Eux autres, ils disent, lui, il va nous faire un bon job, il nous dérange pas trop. Mais un gars de 4 millions, Il peut. Il a beau être au repêchage, personne ne va le prendre, là, non. Non, non, c'est sûr. Mais est-ce que le Canadien et Marc Bergevin pourraient être tentés par un genre de joueur de centre, un Nate Thompson, genre? Ben, ça dépend toujours du Ouais. prix à payer. Ouais. Si le club qui l'envoie, il dit, moi, je prends une partie du salaire, pas trop exigeant. D'abord, Bergevin, là, sa job elle, va être en jeu. Jamais M. Molson va lui permettre d'échanger un jeune joueur d'organisation qui est vraiment un joueur d'avenir. Je ne pense pas que le Canadien fasse ça, parce que là, de manière ou l'autre, cette année, là, on ne jouera pas devant des spectateurs, c'est pas parti pour ça. Non. Puis deuxièmement, je veux dire, c'est pas nécessairement la priorité du Canadien au moment où on se parle de gagner la Coupe Stanley. C'est de faire avancer le club, c'est que les jeunes joueurs prennent de l'expérience, puis qu'ils avancent, qu'ils fassent les séries, puis qu'ils fassent un bon bout pour garder sa notoriété auprès de ses joueurs. Mais moi, personnellement, je pense que le Canadien n'est pas en mauvaise situation. C'est un club qui a améliorer son club à comparer à l'an passé. Et moi, je pense qu'ils vont connaître une bonne fin de saison. Ouais. Phil, je veux te parler de deuxième point que je veux t'emmener. Je veux t'emmener sur les classements des marqueurs. Tu sais qu'Alexander Ovechkin rôde vraiment, là, il est en feu de 5-6 encore une fois. Il a 35 ans, il n'arrête pas. Je regarde, est-ce que tu penses qu'il va rejoindre Wayne Gretzky? Gretzky est à 894 buts et Ovechkin est à 718. Moi, j'ai des doutes qu'il puisse le rejoindre, là. Ouais. C'est quand même. Mais ça peut arriver, remarque bien que. Mais c'est une force de la nature quand tu regardes. Il est bon pour 3-4 ans encore à 40 buts. Exact. Sauf que c'est difficile de voir un peu comment le calendrier va être. Là, actuellement, on se trouve contre les mêmes clubs. Tu sais, moi, une game de 9-0, comme il est arrivé l'autre soir, ça fait des années que je n'ai pas vu ça dans la Ligue nationale de hockey. Non. Et je pense qu'il faut regarder un peu. Comment ça va se dérouler? Tu sais, je veux dire, moi, je regarde, on joue toujours contre Winnipeg, on joue contre Calgary, contre Ottawa, Toronto. Quelque part, c'est difficile d'évaluer les joueurs, le nombre de marqueurs, les ouais. équipes qui ont joué, le style de jeu qui se préconise dans différentes. Parce que je regarde, là, je regardais jouer l'autre soir les Jets de Winnipeg. C'est un club qui joue ouvert à la planche. Ça va aller jouer contre une équipe comme Boston, c'est pas le cas, là. On joue serré, on joue défensivement, même chose avec New Jersey. Donc, c'est un peu ça qui, souvent, va faire une différence énorme au niveau du nombre de buts marqués par match. Mais encore là, on va attendre ce qui va se passer. Probablement que l'an prochain, on va revenir avec un calendrier. Là, on joue moins de parties. Les joueurs jouent à tous les deux jours. Tu sais, il y a tout un phénomène qu'on vit actuellement que personne n'a vécu. Mais Ovechkin, c'est une force de la nature. C'est un excellent joueur de hockey. Puis, il y a des bons joueurs qui jouent avec lui. Ouais, moi, je pense qu'il est encore capable pour 3-4 bonnes années. Après ça, ça va baisser. S'il est encore capable... il est à 100, quoi, 100, 170 buts de Gretzky. Je regarde ça. C'est mais pas possible. Hein? Faut maintenir une moyenne de 40 buts par saison. Ouais. Mais regarde, Brett Hull a joué jusqu'à 42, 43 ans. Jaromir Jagr a joué jusqu'à 45 ans. Moi, je pense qu'il peut jouer jusqu'à 42, 43 facile. S'il est en santé, puis il n'y a pas de blessure majeure. Ouais. C'est ça. Mais lui, il a toujours dit qu'il irait terminer sa carrière en Russie. Ouais. Ça, est-ce qu'il va le faire vraiment? Écoute, l'argent qu'il gagne ici en Amérique, là, est-ce qu'il y a des clubs de la Russie qui sont prêts à lui donner ça? Je ne le sais pas. Mais lui a toujours dit qu'il irait terminer sa carrière en Russie. Donc, est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Phil, merci beaucoup. On s'en parle vendredi prochain. Merci. Commentaire de Phil.